إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد serviteur d'Allah, craignez Allah et méditez sur la vitesse à laquelle passent les jours et les nuits. Et rappelez-vous de l'approche de votre départ de ce bas monde et prenez vos provisions pour l'au-delà en multipliant les œuvres pieuses. Le mois de Ramadan vient de passer avec ses biens et ses bénédictions et Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de vivre ce mois et le voilà terminé et qui repart aussi vite qu'il est venu. Témoin auprès de ton Seigneur, pour toi, si tu as profité de ce mois dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Témoin contre toi, si tu as été négligent et malfaisant durant ce mois. Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question, car chacun connaît sa personne mieux que quiconque. Donc tu dois faire le point sur ce que tu as avancé pour Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois béni. Celui qui a avancé des œuvres de bien, alors qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il soit reconnaissant pour ce grand bienfait, et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ses œuvres, et de le raffermir sur celles-ci, afin qu'il persévère dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de sa vie. Quant à celui qui a été négligent durant ce mois, alors qu'il s'empresse de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il commence dès maintenant une nouvelle vie, en utilisant son temps dans le bien et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de l'utiliser dans la négligence, l'insouciance et la malfaisance. Et il se peut qu'en se repentant, Allah subhanahu wa ta'ala lui expie sa négligence passée et lui accorde la réussite à l'avenir dans ce qui lui reste comme temps à vivre dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِّ النَّهَارَ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَ لِلذَّاكِرِينَ » Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Certes, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et fait suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera alors. » Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit dans son noble livre « إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une œuvre pieuse, à cela, Allah changera leurs mauvaises actions en hasanat. Il changera leurs mauvaises actions en bonnes actions et Allah est pardonneur et miséricordieux. Méditez sur la situation des gens durant ce mois, car ils sont de différentes catégories. Certains ont atteint ce mois alors qu'ils étaient sur la droiture, qu'ils œuvraient dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils étaient assidus dans leurs prières, qu'ils étaient loin des péchés et des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois de Ramadan est venu, ils ont alors redoublé d'efforts. Ils ont multiplié les obéissances, multiplié les adorations qu'ils vouaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci ne fut donc pour eux qu'un ajout de bien par rapport à la situation sur laquelle ils étaient avant l'entrée de ce mois. Cela, ils obtiennent alors la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ont été bienfaisants dans leurs œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin » La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Parmi les gens, il y en a d'autres qui ont atteint ce mois, qui ont jeûné durant ces jours, prier autant qu'ils pouvaient durant ces nuits. Et avant celui-ci, ils étaient assidus dans l'accomplissement de leurs obligations. Ils vouaient de nombreuses adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils commettaient certains péchés, moindres que les grands péchés. Cela, ils obtiendront le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum » وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de vos comptes, c'est-à-dire les petits péchés. Nous effacerons vos méfaits de vos comptes et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, les 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi jusqu'à l'autre, le mois de Ramadan jusqu'au suivant, expie les péchés qui sont commis entre eux à une condition. Si les grands péchés sont évités, alors Allah subhanahu wa ta'ala, par ce jeûne du mois de Ramadan, il t'a effacé tes péchés et tes mauvaises actions qui sont moindres que les grands péchés. Parmi les gens, il y a également ceux qui ont atteint ce mois alors qu'ils commettaient des grands péchés, moindres que le polythéisme. Des péchés par lesquels ils méritaient l'entrée en enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ils se sont alors repentis de ces péchés. Ils ont jeûné ce mois de Ramadan. Ils ont prié la nuit autant qu'ils pouvaient. Alors ceux-là, après avoir mérité d'entrer au feu de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala les a alors affranchis du feu, de par sa grâce et sa miséricorde. Parmi les gens, il y a également ceux qui ont atteint ce mois alors qu'ils étaient plongés dans les péchés, dans les interdits, la négligence, le délaissement des obligations, le délaissement de la prière. Et durant ce mois, leur situation n'a pas changé. Ils ne se sont pas repentis à Allah subhanahu wa ta'ala de leurs péchés. Ou alors, ils se sont repentis d'un repentir temporaire. Et dès que le mois de Ramadan va se terminer, ils vont replonger dans les péchés. Alors ceux-là, ce sont eux les perdants. Ce sont eux qui ont perdu et qui ont négligé leur temps et négligé leur vie. Ils n'ont rien profité de ce mois si ce n'est l'augmentation de leurs péchés et l'augmentation de leurs mauvaises actions. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et n'oubliez pas que Jibril alayhi salam a dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque atteint le mois de Ramadan, puis que ses péchés ne lui sont pas pardonnés, alors qu'Allah l'éloigne. Et il a ensuite dit au prophète, dis Amin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a alors dit Amin, c'est-à-dire, oh Allah, exauce cette invocation de Jibril, quiconque atteint le mois de Ramadan, puis ne se voit pas pardonné, alors qu'Allah l'éloigne. Quelle plus grande privation et quel plus grand malheur pour une personne que Jibril alayhi salam invoque contre lui et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dise Amin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le malheureux donc, c'est celui qu'Allah a éloigné, celui qui a été le perdant durant ce mois, celui qui n'a pas utilisé ce mois dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, le mois de Ramadan va terminer, mais l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est obligatoire en tout temps. Elle n'a pas de fin, si ce n'est la mort. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire jusqu'à ce que te vienne la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ne mourrez qu'en étant soumis. C'est-à-dire, faites en sorte que la mort ne vous atteigne alors que vous êtes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, lorsque l'homme meurt, ses œuvres s'interrompent, sauf trois. Il a mentionné trois choses, le monde continue, la science dont on profite et l'enfant pieux qui invoque à sa faveur. Mais lorsque l'homme quitte ce bas monde, ses œuvres sont terminées. C'est-à-dire que tant qu'il est encore vivant, il doit en profiter pour prendre ses provisions pour l'au-delà. Et la mort, elle est proche. Tu ne sais pas quand elle viendra. Tu ne connais ni son heure, ni son endroit, ni la manière par laquelle elle viendra. Tu dois donc être prêt à tout moment. À tout moment, tu dois être prêt à ce que les anges viennent retirer ton âme. Tu dois donc faire en sorte qu'ils viennent alors que tu es dans une situation agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, soumis à lui, l'adorant, repentant de tes péchés. Et tu dois te rappeler que l'adoration, elle n'est pas limitée au mois de Ramadan. Mais il y a des adorations quotidiennes, des adorations hebdomadaires, des adorations annuelles. Et chaque adoration doit être accomplie en son temps. Parmi ces adorations, il y en a qui sont même les piliers de l'islam et d'autres qui viennent les compléter. Parmi celles-ci, il y a les 5 prières quotidiennes. qui sont le deuxième pilier de l'islam, le pilier de l'islam le plus important après les deux attestations de foi. Et parmi ces prières, il y a la prière du vendredi, qui est accomplie chaque semaine en groupe dans les mosquées. Et elle fait partie des rites les plus immenses de l'islam. Les musulmans se réunissent en ce jour dans la mosquée pour accomplir cette prière qu'ils vouent à Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les adorations, il y a la zakat, souvent citée avec la prière. Également parmi les adorations, il y a le jeûne du mois de Ramadan, qui est obligatoire un mois dans l'année. Et il y a aussi le pèlerinage, la visite de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est obligatoire pour le musulman qui en a les capacités une fois dans sa vie, tout comme la umrah. À côté de ces adorations obligatoires pour tout musulman, il y a des adorations surérogatoires qui viennent les compléter, comme les prières surérogatoires, les aumônes surérogatoires, le jeûne surérogatoire, le pèlerinage et la umrah surérogatoire, et d'autres adorations qui nous ont été légiférées de manière non obligatoire et qui te permettent d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, selon la traduction des sens rapprochés, « Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime le plus, si ce n'est ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire les obligations. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Quel mérite plus grand il y a qu'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si je l'aime, je serai alors sa vue par laquelle il voit, son ouïe par laquelle il entend, ses mains par lesquelles il touche et ses pieds par lesquels il marche. S'il me demande, je lui donnerai, et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorderai. Quelle récompense immense mentionnée dans ce hadith pour celui qui est assidu à ses obligations et qui fait suivre ses obligations d'œuvres surérogatoires, comme les prières surérogatoires, le jeûne surérogatoire, etc. Il obtient l'amour d'Allah. Allah lui accorde la réussite dans sa vue, dans son ouïe, car il a obtenu l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui pense que l'adoration, elle n'est réclamée que durant le mois de Ramadan, et qu'après le mois de Ramadan, il est affranchi de l'adoration, alors celui-ci, en réalité, il a ignoré le droit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a sur lui. Il a ignoré sa religion. Il ne connaît pas sa religion, en réalité. Et même, il ne connaît pas Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il se doit, et il ne l'a pas estimé à sa juste valeur. En effet, s'il n'obéit à Allah, subhanahu wa ta'ala, que pendant le mois de Ramadan, qu'il ne craint Allah subhanahu wa ta'ala que pendant le mois de Ramadan, qu'il n'espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala que pendant le mois de Ramadan, celui-là en réalité, il a rompu son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah de nous préserver de faire partie de ces gens. En effet, les œuvres pieuses, si elles sont restreintes au mois de Ramadan, alors ces œuvres, elles sont rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ne sont pas acceptées de leur auteur. Quelles que soient les œuvres qu'il a accomplies, quelle que soit la fatigue engendrée par ces œuvres qu'il a accomplies, elles sont rejetées car ce sont des œuvres coupées, des œuvres déracinées qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de racines. Donc, il ne profite pas de celles-ci s'il ne persiste pas dans l'adoration après le mois de Ramadan. Celui qui profite de ces adorations qu'il a accomplies durant le mois de Ramadan, ce sont les gens de la foi, ceux qui sont sur la droiture durant le mois de Ramadan, mais aussi tout au long de l'année. Ceux qui savent que le Seigneur de Ramadan est le Seigneur des autres mois de l'année. Ceux qui savent que celui qui les observe, qui les a soumis à des ordres et à des interdictions durant le mois de Ramadan, c'est celui qui les observe et les a soumis à des ordres et des interdictions tout au long de l'année. Il est donc très important de persister dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala après le mois de Ramadan pour ne pas voir ce que tu as construit et bâti durant ce mois, annulé et détruit par ta négligence et tes péchés, accompli après celui-ci. Je demande donc à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accepter de nous nos œuvres et de raffermir nos cœurs sur sa religion, de nous aider à être persévérants dans l'adoration après le mois de Ramadan et de nous compter parmi ses serviteurs pieux, ceux qui se tiennent sur la droiture tout au long de l'année. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me compter ainsi que vous parmi ces affranchis du feu, ceux qui ont obtenu son pardon durant ce mois. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.